on arrive à D.I.D. Il est devenu nouveau déposé. C'est un township en même temps que c'est un bidonville parce que il y a une partie du township qui est vraiment des chacs, puis je te dirais que c'est la moitié du township. L'autre moitié, c'est comme vous voyez ici, c'est l'hôtel de mineurs. Puis c'est pratiquement quasiment comme un chac parce qu'il n'y a pas d'électricité. L'eau, il faut aller la chercher à quelque part d'autre. Il y a une chambre par famille. Fait que c'est à peu près ça. À moins d'une heure de route de Johannesburg, à DRD, nous commençons cette tournée au cœur des townships sud-africains en compagnie de Caroline Tagby. Elle est stagiaire de l'organisation Alternative et effectue un travail de solidarité avec des jeunes membres de l'Anti-Privatization Forum, le forum anti-privatisation. D.I.D., ça s'appelait Mandelaville avant. Il habitait dans une partie de Soweto qui s'appelait Mandelaville aussi, qui est en fait un terrain vague où il y a des chacs qui s'établissent. Ça faisait à peu près, je te dirais, un petit peu plus que 25 ans que la communauté était là. Le gouvernement a décidé d'expulser tout le monde du terrain pour pouvoir, soi-disant, construire un hôpital. On s'en va chez Percy. Sa famille habite dans la maison, dans une des maisons, on a quand même une chambre. Mais comme sa mère trouve qu'il est trop vieux pour vivre avec eux, elle dit « Percy, construis-toi un chat. » Ok. You can sit. No, My name is Vumile Velapi. I'm 21 years old. Mon nom est Vumeda Velapi. J'ai 21 ans et j'étudie en communication à l'Université de Vite. L'endroit où nous sommes en ce moment servait à loger des mineurs. Nous ne savons pas comment c'est arrivé, mais un jour, le gouvernement a décidé de nous reloger ici en affirmant que nous serions mieux logés que là où nous étions. Better living conditions because it's very bad. As you can see, there are mine dumps around. Mais cet endroit est très mauvais. Il y a des dépotoirs miniers, de la poussière contaminée partout. Pas d'électricité, il faut se chauffer au charbon ou à la paracine, ce qui cause de nombreuses maladies. To make themselves feel warm and paraffin, which is also not good for the health of the people. Le monde m'a annoncé un jour, il y a 50 rand. If you are in a problem, there is no one to rescue you. Even the police, they are scared, you know, something like that. Si vous avez un problème ici, les policiers ne viendront pas. Ils ont trop peur. Ce n'est pas notre faute s'il n'y a pas d'électricité, mais nous avons besoin de sécurité. Les filles sont poursuivies par des criminels et des violeurs. La communauté ne peut pas se défendre seule. Et parce que la police ne vient pas, les violeurs se cachent dans la noirceur. They can hide themselves easily in the darkness, and they are in fact rapists who are around. And this area is quite isolated. Nous n'avons accès à aucun service, pas de station de police, pas de clinique et aucun autre service de base, même pas d'électricité. And a lot of other essential services, no electricity, nothing, you know. Je pense que l'ANC, quand ils sont arrivés au pouvoir, ils ont adopté une des constitutions les plus sociales au monde en termes de c'est la constitution de l'Afrique du Sud. Tout le monde a droit à l'électricité, à l'eau, à une éducation gratuite. Puis après ça, ils vont contre la constitution qu'ils ont établie en installant de l'électricité prépayée, en donnant l'électricité, l'eau à des compagnies privées, la gestion de l'eau, de l'électricité. Puis même, je te dirais, aussi le logement, dans un certain sens, qui fait partie aussi de la constitution, tout le monde a le droit à un logement. La majorité des logements sont ou des maisons sont appartiennent à des intérêts privés. C'est sûr qu'il y a une politique du gouvernement de bâtir des maisons gouvernementales là, pour pas trop cher. Mais ces maisons-là gouvernementales, c'est une pièce pour une famille. Une pièce minuscule. Après Johannesburg, nous nous sommes rendus à Cape Town. Nous avons rencontré Peter Van Hoosden, un militant local membre de l'Anti-Eviction Campaign qui lutte contre les évictions forcées. Il nous a fait visiter ces petites maisons gouvernementales dont nous parlait Caroline Tagby. Après son élection en 1994, l'ANC lance le Reconstruction and Development Program, ou RDP. Il s'agit d'un plan de développement national qui visait entre autres à lutter contre la pénurie de logements. À l'époque, le gouvernement s'engageait à construire 300 000 logements par année, un objectif ambitieux, mais encore loin de répondre aux besoins des millions de personnes sans logis. L'ANC passe alors un accord avec les banques, qui engage celles-ci à accorder des prêts personnalisés afin d'aider une population défavorisée. Ce projet, qui devait régler un problème criant, provoque de sérieuses complications. À l'intérieur du township où nous nous trouvons, Peter nous montre les différents problèmes sanitaires qui existent. Il nous explique que certains habitants du township ont été évincés de leur minuscule maison par incapacité de paiement. Dans un pays qui connaît actuellement un taux de chômage de 45 %, perdre son travail équivaut bien souvent à perdre sa maison. It's not recorded somehow. Water don't get a chance to run out, drop away. My name is Ashraf Kassim. On October 2000, je me rendais au travail. Je suis informaticien. On my way to work, I went to the corner to get a taxi. And on the corner, there was this hustle and stuff and all the Je me suis rendu au coin de la rue pour prendre le taxi et j'ai vu qu'il y avait de la pagaille. J'ai compris qu'on tentait d'évincer un retraité et sa famille. Je savais que ces personnes ne savaient pas lire et donc qu'ils ne pouvaient pas comprendre ce qui était écrit sur le papier qu'on leur remettait. Ils comprenaient surtout qu'on venait les mettre dehors. They don't want to be evicted. And then we chased them away. We carried the furniture back into the home. The community started gathering. Nous avons décidé de remettre les meubles dans la maison. Les gens se sont approchés et nous avons occupé la maison. Le shérif de la cour est venu avec les forces de l'ordre et ils ont appelé la police locale, puis 6 ou 7 autres niveaux de police du pays pour tenter de m'arrêter. Mais je leur ai dit que je n'allais nulle part avec eux et tous les gens sont venus à mon secours. And then I said, no, wait, I'm not going anywhere. And I resisted. And then all the people started coming to my rescue. They like wanted to grab me away, and but then they hit me like over my head. Les autorités m'ont battu, me frappant à la tête près d'une vingtaine de fois, me ruant de coups, chacun leur tour. L'armée était autour de nous. Les gens à l'extérieur ont commencé à se battre avec des armes et en tirant des coups de feu. Chaque fois que je parvenais à me libérer, ils me rattrapaient pour me frapper à nouveau, en me tenant de force pour me donner des coups. Jusqu'à ce que je perde connaissance. Au cours des dernières années, Ashraf est devenu le principal intervenant dans une campagne qui vise à protéger la population contre les reprises abusives et forcées de logement. L'événement qu'il vient de nous raconter l'a mené tout droit en prison. Mais comme cette nouvelle a fait les manchettes partout au pays, il est depuis sollicité de toutes parts afin de défendre ceux qui sont aux prises avec ce genre de situation. À Atlantis, à 1 heure de Cape Town, une famille est menacée d'éviction. Nous y sommes allés en compagnie d'Ashraf. Alors que nous sommes sur les lieux, un homme sans uniforme se présente avec ce qu'il dit être un ordre d'éviction. Ceci est une lettre suggérant que ces gens doivent partir. C'est une copie, mais il n'y a pas de procédure indiquée. This is a copy of the court order. Of the order given on the day. Yeah. This is a copy. Yeah. The bank should have come and negotiated. Normalement, ce sont les banques qui doivent négocier. These are the people. Mais ces gens viennent de la part du shérif. Ils travaillent pour une compagnie privée. Tout a été privatisé. How many people I won't be able to give you a specific, like a specific amount. But what I can Combien de personnes se font évincer? C'est difficile à dire. Say 40% that moved into homes that was Ce que je peux dire, c'est que 40% des gens environ qui emménagent dans des maisons gouvernementales ne peuvent plus payer parce qu'ils n'ont plus de travail ou pour d'autres raisons, alors ça augmente à tous les jours. Il n'y en a pas seulement des milliers, mais des dizaines de milliers de gens qui se retrouvent dans cette situation. More people are losing their jobs, more people are becoming unemployed, more people are not earning, you know. So it's increasing, it's more than thousands, it's like tens of thousands. What happened is that the next day, alors, le jour suivant, moi et les six autres personnes qui avaient été arrêtées, nous en avons discuté. Ils ont voulu que je fasse quelque chose pour donner une suite à tout ça. Je ne pouvais plus aller travailler. Des organisateurs locaux m'ont demandé si je connaissais d'autres personnes qui se faisaient évincer. You know of anybody being evicted? They would offer to go and live at these people's house, sleep in a corner. With their sleeping bag and their food. Ils ont offert d'aller s'installer dans un coin de la maison de ces gens avec leur sac de couchage, leur nourriture, pour rester jusqu'au jour suivant au moment de l'éviction. Si quelqu'un se faisait évincer, on retournait dans sa maison pour l'aider. Mais en attendant, on avait le momentum parce que tous les jours, ma maison était pleine. Les gens faisaient la file devant ma maison avec des problèmes semblables. Et c'est là qu'on a commencé la campagne anti-éviction du Western Cape. L'Anti-Eviction Campaign est un mouvement qui agit dans toute l'Afrique du Sud. Comme l'a expliqué Ashraf, la ligne directrice de ce mouvement consiste surtout en un appel à la solidarité de la communauté pour tenter d'empêcher les gens d'être évincés. Bien que ces maisons RDP aient été construites pour elles, cette population défavorisée, qui se retrouve aujourd'hui sans revenus, n'a plus les moyens de rembourser la banque qui, de connivence avec des entreprises privées, reprend la propriété de ces maisons, n'offrant aucune alternative à leurs occupants que de déménager leurs meubles dans la rue. Depuis l'arrivée au pouvoir de l'ANC, plus de 2 millions de personnes ont été évincées dans le pays. Et tout comme pour le logement, une partie importante de la population se voit refuser aussi l'accès à l'eau. Ainsi, selon le Rural Development Services Network, 10 millions de coupures d'eau ont été effectuées en Afrique du Sud depuis 1994. I'm going to steal the water from my next door neighbor and then there's going to be war. We cannot afford to pay to buy water. Je vais voler l'eau de mon voisin immédiat et puis ça sera la dispute. On ne peut pas acheter l'eau. On n'a pas les moyens de payer pour obtenir de l'eau. On veut pouvoir payer des frais fixes. Nous avons essayé de discuter avec les conseillers, mais ils ne nous écoutent jamais. Ils font leurs affaires et ils nous volent. Il ne écoute pas la communauté. Il fait sa propre chose. Dans une salle communautaire dans le seul township indien du pays, Ashwin Desai, auteur, académique et militant, tente de motiver la population locale sur l'enjeu de la privatisation de l'eau. À ses côtés, Arundhati Roy, la célèbre militante indienne, invitée pour parler des conséquences de la globalisation. And we need to find a way in which we stop that water cutoffs, right? Au cours des prochaines semaines, nous voulons faire des plans pour arrêter les coupures. Nous négocions sans cesse, mais ils n'écoutent pas. Alors, un de ces jours, il va falloir aller au bureau du gouvernement. So we might have to go to the rent office one of the days and we will tell you because we don't want to tell them when we're going. You know, today there isn't a creature left on God's earth that isn't trapped Il ne reste pas une créature sur la terre de Dieu qui n'est pas prisonnière du compte chèque du FMI et des missiles de croisière des États-Unis. Et nous, nous nous trouvons tous à des étapes différentes où nous sommes avalés par cette réalité. Et quand je dis « nous », c'est un terme compliqué qui n'exprime pas toute la réalité parce qu'il y a beaucoup d'entre nous qui pourraient profiter du processus de la globalisation mené par les grandes corporations. Mais ce qui arrive aux pauvres du monde, ce n'est pas quelque chose à quoi on échappe. Et on le voit ici en Afrique du Sud. C'est que même chez les gens riches, on écrase les gens au point que l'on voit ici. Et dans ce pays, comme dans mon pays, il n'y a pas juste un ou deux, pas dix, mais des centaines de fermiers qui se suicident en consommant les pesticides qu'ils sont forcés d'utiliser pour faire pousser les produits d'exportation qu'ils vendent au marché. À Durban, nous avons aussi rencontré Heinrich Bernke, un militant local qui réfléchit sur l'état des mouvements en Afrique du Sud. New social movements in South Africa or community movements don't relate very easily and very well to. Les nouveaux mouvements sociaux ou communautaires actuels n'ont pas de bonnes relations avec la gauche traditionnelle. Les syndicats ne jouent pas un rôle dans ces mouvements et parfois ils y sont même hostiles. Ces mouvements ne viennent pas des usines, mais d'une certaine façon ils émergent plutôt du point de reproduction que du point de production. The old language to be rising in the point of reproduction and not the point of production. And I think that the politics and the kind of ideas that are growing out of community movements is superior to the Je crois aussi que les idées et les politiques qui naissent de ces mouvements communautaires sont supérieures aux politiques et aux idées qui ont commencé dans les usines. Les mouvements actuels sont plus holistiques, ils sont en relation avec la vie des gens dans leur totalité. The people inside social movements are fighting for the same things that the left has postured about. The social wage, nous savons bien sûr que les gens qui œuvrent au sein des mouvements sociaux luttent pour les mêmes objectifs que ceux défendus par la gauche. Le salaire équitable, le droit de l'eau potable gratuite, le droit à l'éducation, à l'électricité, mais ils s'y prennent d'une autre façon, sans organisation structurée, avec des insignes, un secrétaire général, et où l'identité de la personne se perd dans celle de l'organisation. You've got movements that respond to a crisis, and then after the crisis is over, people go back to their ordinary lives, their loves, their problems, and their joys. Nous avons des mouvements qui répondent à une crise. And, et une fois la crise passée, les gens retournent à leur vie quotidienne. Cela est tout à la fois un point fort et un point faible. Un point fort parce que nous n'avons pas de hiérarchie, ni de bureaucratisation, ni d'organisation de gauche qui servent comme plateforme pour accéder aux hautes sphères du monde politique. It's very ephemeral, and you don't often get a sense that you're building upon the shoulders, standing upon the shoulders of other people. Tout cela est éphémère. You have to respond. Et on n'a pas l'impression d'être appuyé par des organisations très fortes. Vous devez inventer la roue à chaque fois. Et tactiquement, ça constitue un problème. Les mouvements sociaux répondent aux valeurs de la gauche, mais ils n'ont pas le même projet qu'elle. Il faut connaître la ligne idéologique de la gauche et ce que Lénine a vraiment dit en descendant du train en Russie. They're not based on having the correct ideological line, which you win or you learn by understanding what Lenin really meant when he got off the train in Russia. Assis, Na na na.